إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله اتقوا الله واشكروه على نعمه التي لا تحصى واستغفروا لذنوبكم وعليكم بالسنة وإياكم والبدع وتذكروا قول الله تعالى فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين ومعنى هذه الآية أن النجاة لم تكتب إلا للبقية من أهل الخير على قمتهم بسبب كونهم ينهون عن الفساد في الأرض وهذه أو في هذا حق لهذه الأمة أن يكون فيهم بقايا مصلحون يعني مصلحون لما أفسد الناس قائمون بدين الله يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى ويبصرونهم من العمى وفي هذه الحالة أعلى حالة يرغب فيها الراغبون وصاحبها يكون إماما في الدين إذا جعل عمله خالصا لرب العالمين اعلموا يا عباد الله أن من أعظم الفساد في الأرض ما يبتدع في الدين والله قد أكمل الدين وقال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا والرسول صلى الله عليه وسلم قد نهى عن البدع في الدين وقال إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وقال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر ذراعا بذراع حتى ولو دخلوا جحر ضب لدخلتموه قيل من هم يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن وكثير من البدع دخلت في هذه الأمة بسبب تقليد المسلمين للكفار لليهود والنصارى خصوصا في أمور الدين وأمور العبادة وأمور العقيدة ومن أمثلة على ذلك ومن الأمثلة على ذلك الغلو في قبور الصالحين قال صلى الله عليه وسلم لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ومن الأمثلة على ذلك التعبد بالغنى والمعازف والأناشيد والمدائح والرقص ومن الأمثلة على ذلك إقامة الأعياد والمواسم والاحتفالات والمواليد للأنبياء والأولياء والصالحين. هذه الأمور ليست من الإسلام، وإنما هي من بدع جاء بها المبتدعة من الطرق الصوفية. فأكثر العالم الإسلامي اليوم يعملون بهذه البدع لأنهم تأثروا بالصوفية وتأثروا بالشيعة. والصوفية لا يدعون الناس بالأدلة من الكتاب والسنة أو بالإجماع، بل يدعون بمثل هذه الأهواء والجهالات والتقاليد والاحتفالات، لأن دينهم مبتدع ليس له أصل في الدين. فيدعون الناس بالغنى والرقص والاحتفالات بدعوى محبة الرسول صلى الله عليه وسلم ومحبة الصالحين. وعندما نرجع إلى السنة وإلى آثار السلف نرى أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما أقام الأعياد والمواليد ولا بنى على قبور الصالحين أو قبور الصحابة المساجد والقبر، بل نجد عكس ذلك أنه نهى عن هذه الأمور. والصحابة كانوا أبعد من البدع من غيرهم من الذين أتوا بعدهم، وما احتفلوا بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا أشد الناس متمسكا بالسنة وما احتفلوا بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. ولا التابعون الذين تعلموا من الصحابة ما سمعنا ولا قرأنا منهم أنهم كانوا يحتفلون بالمواليد، لا بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم ولا بمولد الصحابة الذين ماتوا قبلهم، ولا في تابع التابعين لا نجد منهم ذكر بهذه الأمور. ما قرأنا أن الإمام أبو حنيفة كان يحتفل بالمولد النبوي، وما قرأنا أن الإمام مالك رحمه الله كان يحتفل بالمولد النبوي، وما قرأنا أن الإمام الشافعي رحمه الله كان يحتفل بالمولد النبوي، وكذلك الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله وغيره من أئمة الإسلام ومن أئمة السنة. ما قرأنا عنهم أبدا أنهم أقاموا حفلات أو أعياد للاحتفال بالمواليد، لا مولد النبي صلى الله عليه وسلم ولا مولد غيره من العلماء والصالحين، بل نجد أنهم نهوا عن البدع وعن مجالسة أصحاب البدع ودعوا إلى التمسك بالسنة. فهل نحن أعلم منهم؟ وهل نحن أشد حبا للرسول صلى الله عليه وسلم منهم؟ وهل نحن أحب منهم للصالحين؟ والله قد أمرنا باتباع سبيلهم وأمرنا بالتمسك بآثارهم، وقال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، يعني غير سبيل الصحابة، لأن في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يوجد من المؤمنين إلا الصحابة. فمعنى هذه الآية: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، يعني غير سبيل الصحابة، يوليه ما تولى ونسله جهنم وساءت مصيرا. ويقول تعالى: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فهذه هي القرون الثلاثة المفضلة، وهم خير الناس، وما وجدنا فيهم من يقوم بهذه الأعياد والاحتفالات فهذا يدل على أنه ليس من الدين. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فما لم يكن في زمنه من الدين فلا يكون اليوم دين إذا لم يكن هذا العمل من الدين في الزمن في زمن الصحابة فليس اليوم من الدين كذلك الصحابة ما عرفوا هذه الأعياد ونحن نعرف أنهم هم الذين بلغوا لنا الدين أفنحن أعلم منهم يا عباد الله اعلموا أن العبادات لا تجوز فيها القياسات العقلية والاجتهادات والاستحسانات لأن العبادات توقيفية لا يجوز فيها إلا ما ثبت في الشرع ولو كان يجوز الاستحسان في الدين وفي العبادات لزاد أن يزاد في عدد الصلوات وفي عدد الركعات وفي غير ذلك وهذا يجر إلى الزندقة والانحلال من الدين يقول تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله وهذا يدل على بطلان قول من يدعو إلى حرية التدين في الإسلام ويدعون إلى التعددية وحرية التفرق في الدين فالابتداء في الدين لا يدخل فيما يجوز فيه الاختلاف فإن المبتدعة قد يأتون بأقوال ينسبونها إلى بعض العلماء وبعض الأئمة الذين أتوا بعد القرون المفضلة ويستدلون بها على بدعهم وليس في كلامهم حجة على الكتاب والسنة فلا يغرنكم هذه الأقوال فإن الحق لا يعرف بالرجال وإنما يعرف الرجال بالحق سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد عباد الله اتقوا الله واحذروا من أهل الضلال ومن يدافع عنهم لأن كثيرا ممن يدعي السنة وحب السنة وحب الرسول صلى الله عليه وسلم يدعون إلى البدع ويدافعون عنها وعن أصحابها ولو كانوا صادقين في حبهم للرسول صلى الله عليه وسلم وفي حبهم للسنة لما كان لهذه البدع وجود ولكن بسبب قلة الفقه في أصول السنة جعل الناس أو أصبح الناس يتعاونون على نشر البدع من حيث لا يشعرون فينشرون الدعايات لهذه البدع ويعلقونها في محلاتهم فالذي يفعل مثل هذا فقد أعان على هدم الإسلام والسنة والسلف كانوا أشد الناس على المبتدعة وكانوا يقولون لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم فكيف بمن ينشر دعاياتهم وهذه الأعياد فيها من الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم ومن المعاصي الكثيرة كالاختلاط بين الرجال والنساء والموسيقى وكثير من المنكرات فلا تشاركوا فيها ولا تتعاونوا على نشرها وتفقهوا في السنة بدلا من الجلوس في المقاهي وفي الكلام في أمور تافهة وغير مصيبة فلماذا لا تأخذون معكم كتابا في الحديث أو كتابا في العقيدة أو كتابا في الفقه أو في التفسير وتقرؤونها بينكم وتستفيدون وكيف يجوز لنا أن نعبد الله بالبدع مع أن السنن كثيرة وما قمنا بها ولو حال ولو حاول أحدنا أن يعمل بكل السنن الثابتة لما استطاع لما استطعنا أن نقوم بها كلها وما استطعنا أن نعطيها حقها فكيف نترك السنن ونتمسك بالبدع الحمد لله الله سبحانه وتعالى dans le Coran il nous a expliqué les règles à suivre pour être sur le droit chemin et sur la guidance et il nous a ordonné d'ordonner le bien et d'interdire le mal et Allah subhanahu wa ta'ala il dit si seulement il existait dans les générations d'avant vous des gens vertueux qui interdisent la corruption sur la terre et là il n'y en avait qu'un petit nombre que nous sauvâmes alors que les injustes persistaient dans le luxe dans lequel ils vivaient et ils étaient des criminels. Ce qui signifie que seuls les gens qui interdisent le mal furent sauvés parmi les gens du bien. Et il y avait beaucoup de gens qui faisaient le bien, mais parmi eux, il n'y en avait qu'un petit nombre qui interdisaient le mal. Et c'est eux qui ont été sauvés, tandis que les autres ont péri avec ceux qui faisaient le mal. Ce qui signifie que il faut faire des efforts pour faire partie de ceux qui interdisent le mal et la corruption sur la terre. Et donc, ça ne suffit pas juste de détester le mal si on est capable de le changer par la parole, il faut le faire. Et parmi les plus grandes formes de corruption, il y a le fait d'amener dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala des innovations. C'est ce qu'on appelle en arabe des bid'ah. Des choses qui ne font pas partie de l'islam, qui n'ont pas été ramenées dans le Coran ou dans la Sunna, mais dans la pratique des Sahaba et de ceux qui les ont suivis. Des gens ont ramené des choses comme ça dans la religion pour corrompre la religion. Parfois ce sont des munafiqin, des hypocrites, qui entrent dans l'islam pour essayer de corrompre la religion de l'intérieur parce que de l'extérieur, ils ne sont pas capables de l'affronter ou de l'attaquer. Donc, ils se portent comme étant des musulmans, ils rentrent dans l'islam et ils commencent à ramener toutes sortes de faussetés et de mensonges pour corrompre les gens et pour les diviser dans leur religion. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il a expliqué que la religion, elle est complète. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Al-yawm akmaltu lakum dinakum » Aujourd'hui, j'ai complété pour vous votre religion. Donc, il ne reste plus rien à rajouter dans les questions d'adoration, dans les questions de religion. Tout a été clarifié, tout a été expliqué. On n'a pas à inventer de nouvelles façons d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit dans la religion qu'on invente quoi que ce soit, dans la façon d'adorer, dans la façon de prier, dans la croyance, dans les règles de la charia. On n'a pas le droit d'amener des innovations. Et ça a été interdit dans plusieurs hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans lesquels il a dit « Et prenez garde aux innovations et aux choses inventées dans la religion parce que les pires choses sont les innovations. » Et il a dit « Et toutes les innovations sont des égarements et tous les égarements mènent au feu de l'enfer. » Et il a interdit aussi en disant من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد celui qui fait une action qui ne fait pas partie de notre religion elle ne sera pas acceptée et il a averti aussi au sujet de suivre les juifs et les chrétiens dans la religion dans les croyances dans les adorations dans les règles de la religion il ne faut pas les imiter et les suivre parce que la plupart de ceux qu'ils suivent aujourd'hui en partant ça ne fait pas partie de ce que leurs messagers ont amené. Ils ont changé le message de leur prophète après que leur prophète est mort ou qu'il soit, ou après que leur prophète, alayhi salatu wa salam, ont été élevés aux cieux. Comme Isa par exemple. Après qu'ils soient partis, ils ont transformé la religion en quelque chose de différent. Elle n'est pas restée dans la pureté pour laquelle elle était à l'origine. Et même si elle n'avait pas été changée, et même si elle était restée dans sa pureté originelle, il n'aurait pas le droit de la suivre après l'avenue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parce que l'avenue du prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu abroger le message de tous les prophètes qui sont venus auparavant, et toutes les révélations qui sont venues auparavant. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, vous allez suivre les gens qui sont venus avant vous, pas à pas. Et s'ils décident d'entrer dans un trou de lézard, vous allez essayer de les suivre dedans. Ils ont dit, est-ce que tu parles des juifs et des chrétiens au messager d'Allah? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu, qui donc? Alors, il nous interdit dans ce hadith de les suivre et de prendre leur exemple. Parce qu'il sait que, dans l'avenir, il y a des choses comme ça qui vont arriver. Ça, ça fait partie des preuves de la, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était un prophète. Et que ce qu'il disait était basé sur la révélation. Parce qu'il a annoncé quelque chose qui allait se produire dans l'avenir. Et aujourd'hui, quand on regarde la Ummah, on voit que ces choses-là se sont produites. La grande majorité de la Ummah a suivi les juifs et les chrétiens dans l'égarement. Excepté un petit nombre parmi les croyants, qui sont restés fermes sur la Sunna, et ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi l'avait prédit. Et comme par exemple, les exemples qu'on peut trouver, les choses que les musulmans ont suivies des chrétiens et des juifs, le fait de construire des bombes ou des sanctuaires ou des mosquées sur les tombes des hommes, les tombes des hommes pieux. Ça, ça fait partie des choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait interdit. Et il avait dit même à son époque que la malédiction d'Allah sur les juifs et les chrétiens, ils ont pris les tombes de leurs prophètes comme des lieux de prière et des lieux d'adoration. Et donc ça, c'était pour avertir les musulmans de ne pas suivre cet exemple-là que ces gens-là ont suivi. L'exemple aussi des gens qui adorent Allah subhanahu wa ta'ala par la musique, par les chants, par la danse. Ça, on retrouve ça parmi certaines sectes parmi les musulmans, qui dansent dans leur mosquée, qui chantent dans leur mosquée, qui utilisent des instruments de musique pour soi-disant adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et est-ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné des choses pareilles? Également, un autre exemple de ça, c'est les gens qui font des fêtes. Ils établissent des fêtes et des célébrations pour la naissance des prophètes ou la naissance des hommes pieux. Ça, ça vient aussi des juifs et des chrétiens, ça vient pas de l'islam. Et il y en a parmi les musulmans aujourd'hui qui ont établi ça. Et ça, à l'origine, ça vient, ça a été amené parmi les musulmans à travers les soufis, la secte qu'on appelle les soufis. Okay? Et ça, c'est des exemples d'égarements qui sont venus de la part de ces gens-là. Ils ont imité les juifs et les chrétiens dans leurs adorations et dans leurs croyances. Et ces idées-là se sont répandues dans le monde entier, parmi tous les pays, dans tous les pays musulmans. À un seul point que c'est ancré même dans les cultures et les coutumes de la plupart des pays musulmans, et même que ça a été établi dans certains pays musulmans qui n'ont pas la plupart, sinon la plupart, comme étant une fête, hein, et un jour férié dans lequel il n'y a pas de travail et les gens ont congé et ils célèbrent ce jour-là par toutes sortes d'innovations et de bidats. Maintenant, quand on retourne dans l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on ne trouve pas dans la Sunna aucun exemple que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a construit ou bâti sur la tombe des sahaba, que ce soit Hamza ou d'autres parmi les sahaba radiallahu anhum qui sont morts à Badr ou qui sont morts à Uhud ou dans d'autres occasions. On n'a jamais entendu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a construit un dôme ou quoi que ce soit sur leur tombe. Et quand on regarde les sahaba, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils n'ont jamais non plus construit quoi que ce soit sur la tombe d'un des sahaba ou la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ils n'ont pas non plus célébré le jour de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam après lui. De même que les tabi'in, ceux qui ont étudié avec les sahaba et qui étaient les élèves des sahaba, on n'a pas trouvé aucun d'entre eux qui a établi ou fêté la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou la naissance d'aucun autre parmi les sahaba, que ce soit Abu Bakr ou Omar ou Othman ou Ali radiallahu anhum ou aucun autre parmi les Ashraf al-Mubashirin Abul Jannah ou n'importe quel autre parmi eux. De même que chez les tabi'in, on n'a pas trouvé d'exemple de gens qui faisaient des choses pareilles. Donc, si ça ne faisait pas partie de la religion à leur époque, alors ça ne fait pas partie de la religion aujourd'hui. Parce que c'est eux qui nous ont transmis l'islam. Et si eux ils ne l'ont pas connu, est-ce que nous on connaît mieux l'islam que eux? Et est-ce qu'on peut prétendre qu'on aime le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam plus que les sahaba, ou plus que les tabi'in, ou plus que les tabi'in? Alors eux, ils ont aimé le prophète sallallahu alayhi wa sallam de tout leur cœur, de tout leur âme, après Allah subhanahu wa ta'ala, et ils n'ont pas fait ces sortes d'innovations-là. Alors comment nous aujourd'hui, on pourrait essayer de prétendre qu'on fait ces choses-là par amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou par amour pour les sahaba, ou par pour les salihin. Allah nous a ordonné de suivre l'exemple des sahaba et des tabi'in et de ceux qui les ont suivis, dans plusieurs versets dans le Coran. Et donc, il y a une chose aussi qui est importante de comprendre, c'est que l'adoration, dans une question d'adoration, il n'y a pas d'ijtihad. On ne peut pas décider, par exemple, ou penser que parce qu'on trouve que c'est quelque chose de bien, on peut inventer des choses ou rajouter des choses à l'islam. Par exemple, aujourd'hui, quelqu'un pourrait dire, les musulmans, on est devenus faibles. Notre foi n'est pas forte comme les premiers musulmans. Donc, au lieu de faire 5 prières par jour, obligatoires, on va rajouter 10 prières par jour pour être plus près d'Allah et pour faire plus d'efforts. Est-ce que ça s'est permis dans la religion d'Allah? Non, c'est pas permis. Est-ce qu'on a le droit de dire que, par exemple, au lieu de faire 2 rak'as dans chaque, ou de faire plus que, par exemple, est-ce qu'on a le droit, au lieu de dire on va faire 2 sujouds dans chaque rak'as, au lieu de faire 2, on va faire 4 ou 5 ou 6? Si quelqu'un dirait non, t'as pas le droit, ça c'est une bid'a, eh bien là, il aurait raison dans cela. Parce que le prophète ne nous a pas enseigné de faire ça. Et donc, on doit se limiter à ce qu'il nous a enseigné. On ne peut pas ajouter ou inventer des choses de nous-mêmes, de notre propre imagination ou de notre propre compréhension. Et donc, il n'y a pas de bonne bid'a. Même si quelqu'un peut essayer de trouver de bons arguments pour défendre cette bid'a et pour essayer de justifier logiquement et rationnellement les bienfaits de cette chose, si c'est contraire au Coran et à la Sunna, alors si ça ne vient pas du Coran et de la Sunna, alors c'est une bid'a, on doit le rejeter. Même si à l'origine ça peut faire partie de la Sunna, mais que la façon dont tu l'appliques, tu transformes l'application ou tu la changes, aussi ça devient une bid'a. Hein? Donc il y a beaucoup d'exemples de ça, et c'est très important. Donc de comprendre le danger de ces choses-là et de ne pas faire la promotion et la publicité pour ce genre de fêtes, comme certains musulmans par exemple qui accrochent dans leurs magasins des publicités pour inviter les musulmans à aller participer dans ce genre de fêtes-là. Si on agit comme ça, ça veut dire qu'on accepte ce qu'Allah a dit, « Al-Ta'awun al-Ithm wal-Udwan ». Ça c'est interdit de s'inciter et d'inviter les gens à participer à ce genre de choses-là. Et au lieu de perdre notre temps à s'asseoir dans un café et à discuter de tout et de rien, pourquoi quand on s'assoit ensemble, on ne prendrait pas un livre de fiqh ou de hadith ou de tafsir et qu'on ne commencerait pas à lire quelques pages ou quelques paragraphes ensemble pour profiter d'une science qui est bénéfique, au lieu de juste discuter pendant des heures et des heures et des heures de choses qui ne sont même pas importantes. Et comme ça, qui se répète jour après jour après jour après jour, et donc on finit comme ça à perdre notre temps et à ne pas en profiter. Donc ça c'est des choses que j'ai voulu vous rappeler aujourd'hui. Et une chose aussi, dernière chose avant de terminer, c'est que le nombre des sunnahs qu'on doit pratiquer et des exemples de sunnahs que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseignés sont tellement nombreuses qu'on n'est même pas capable de toutes les appliquer. Alors, pourquoi on laisse tomber ces sunnahs qui sont établies et affirmées par le Coran et la Sunna et on commence à appliquer des choses qui ne font même pas partie de l'islam et on veut s'accrocher à ces choses-là alors qu'on n'a même pas appliqué ce qui est établi dans la religion. Hein? Et donc c'est pour ça qu'il faut faire attention à ces choses-là. اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر أعداء الدين وانصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين وجعلنا من المتمسكين بسنتك ومن الذين يسلكون مسلك السلف ومنهج السلف في عقيدتهم وعباداتهم وفي كل سلوكهم و قوموا إلى صلاتكم.